sale-sud. Mon équipe arrive, méga paniqué. On est là pour donner de la qualité. De la boucherie, n'en t'as pas idée, oui, sale-sud. Qui peut lutter, dis-moi qui peut tester. On défonce comme une LSD, on se répand comme une MSD. On arrive des boulons, on est les plus capés du biz. Quand ça rappe, y'a plus de poteaux, y'a plus de bise. C'est le sud de rue de mec que de la maîtrise. Nos belles gueules crachent des phrases qui mobilisent. Ne parlez pas de crise économique à tous les dealers et tous les mouids. Que veux-tu, mec, on subit cette vie de mazi. Si tu veux tout péter, mec, de te dire vas-y. T'as passé de FN, c'est mazi. J'ai pas le flow de Biggie ni de Booba, mais je vous lègue depuis des années. Demain, mes potos, si je suis là. Komoko, mangeur de filet, kema fana. Que les fachos me mangent à la banane. Ça, c'est le sud de Fanda. Palalalala, plané dans le rap, sans la cana, cana, cana. Trois experts, am kara, kara, kara. C'est Yaké, des gommes et Sopram, baba, baba, baba. Salut, mon équipe arrive, méga paniqué. On est là pour donner de la qualité. De la boucherie, n'en t'as pas idée, oui, salut. Qui peut lutter, dis-moi qui peut tester. On défonce. Mec, c'est de là que tout débute, de là que des gommes débitées découpent tous les bits, coupe les têtes, guette la polémique, tes potes paniquent à l'écoute, le wak bégé bégé. Floscule, rap, coup de batte, coup de balai, coup de boule, coup de gun, coup de pompe, t'as nu que pète dès que je déballe une rafale de rime. Comment je m'appelle? Deg, deg, couche-toi, ma même elle par balle. T'es dans le sud, voilà ce que les mecs valent. Chaque punchline que je pose fait serrer les dents à mes ennemis, un peu comme un toucher rectal. Et je pète le score, pas de compète, des gommes donnent le sport. Mec, c'est l'heure de faire le ménage dans la musique, tenez-vous prêt, je suis venu vous mettre d'accord. Mon équipe arrive, méga paniqué. On est là pour donner de la qualité. De la boucherie, n'en t'as pas idée, oui, ça tue. Qui peut lutter, dis-moi qui peut tester. On défonce comme une LSD, on se répand comme une MSD. Mande, hey yo, est-ce que mes soldats sont de bouillon? J'ai dit, hey yo, on vit, on lutte, on meurt de boue. Et j'ai dit, hey yo, où sont les chiens de la casse, les poumons, ça tue. Gilet pare-balles sous le pull, quand mon pote ça débite pas mal. Dans le sud, parle mal, on te shoot avec des tas de phases barbares. Des boules dardard dans la foule. Avec un faux qui découpe les ligaments. Je te promets pas qu'à la fin tu seras vivant. Car ici le feu découpe comme l'hélice d'un hélico sur le crâne de tous mes soldats en concurrent. Pars vite en courant, car je suis comme un ouragan. Je dévaste tout sur mon passage sans laisser de vivant. Mec, assis-toi sur le divan et dis-moi vite pourquoi ton style est devenu décevant. Voilà ce prénom de titan. Fini la rigolade, je suis de retour avec un flow de pyromane. Pour tous mes camarades qui savaient que je deviens malade quand je quitte le sud à la carnera. Mon équipe arrive, méga